Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 74. De la matière de l'Eucharistie. Le pain et le vin sont la matière de l'Eucharistie. La quantité n'en est pas déterminée. Le pain doit être de froment. Règle à l'égard du pain azyme et du pain fermenté. Le vin de la vigne est seul admissible. Du mélange de l'eau. Règle sur la quantité d'eau. 1. Le pain et le vin sont-ils la matière du sacrement de l'Eucharistie? Jésus-Christ, ainsi qu'il est rapporté dans l'Évangile, a institué l'Eucharistie sous les espèces du pain et du vin. Par conséquent, le pain et le vin en sont la matière. Cette matière était très convenable, premièrement pour l'usage même de ce sacrement, qui consiste dans une manducation spirituelle où le pain et le vin, qui nourrissent notre corps, servent à la nourriture des âmes, comme, dans le baptême, l'eau, employée ordinairement à laver les corps, sert à produire une ablution spirituelle. Deuxièmement, pour signifier la passion du Christ, dans laquelle le sang fut séparé du corps, aussi, dans ce sacrement, qui en est le mémorial, reçoit-on séparément le pain et le vin. Troisièmement, par rapport à l'effet que l'Eucharistie produit dans chaque fidèle, dont elle a la vertu de défendre l'âme et le corps. Quatrièmement, relativement à l'effet de ce sacrement dans l'Église entière, qui, de même que le pain est fait de divers grains de froment et le vin de diverses grappes de raisin, est composé de fidèles distincts les uns des autres, ce que l'apôtre marque par cette parole, « Nous sommes tous un seul corps. » 1 Corinthiens 10, 17. 2. Y a-t-il une quantité déterminée de pain et de vin pour la matière de ce sacrement? Il n'est aucune quantité de pain et de vin, si petite ou si grande qu'elle soit, qui ne puisse être consacrée. La raison n'est que, la fin du sacrement de l'Eucharistie n'étant autre que l'usage des fidèles, la quantité de sa matière doit être déterminée, non pas sur l'usage de ceux qui se présentent actuellement, car il s'ensuivrait qu'un prêtre qui a peu de paroissiens ne pourrait pas consacrer beaucoup d'hosties, mais sur l'usage des fidèles pris en général, dont le nombre est indéterminé. Dès lors on ne peut pas dire qu'il y a pour l'Eucharistie une quantité déterminée de pain et de vin. 3. Est-il nécessaire que la matière de ce sacrement soit du pain de froment? Jésus-Christ s'est comparé à un grain de froment en disant, « À moins que le grain de froment, jeté en terre, ne meure, il demeure seul. » Jean 12, 24. La matière que l'on doit adopter pour chaque sacrement est celle que les hommes emploient dans la vie commune pour des usages analogues. Le pain de froment étant le pain qui nous sert habituellement, et les autres espèces n'ayant été admises que pour le remplacer, il est celui dont Jésus-Christ s'est servi pour l'institution de l'Eucharistie, il y convient d'autant plus que, donnant le plus de force à l'homme, il signifie mieux l'effet de ce sacrement. Le pain de froment est donc la matière nécessaire de l'Eucharistie. Note. Le grain dégénéré, siligo, qui provient de la semence du froment peut servir de matière à l'Eucharistie. Nous n'en saurions dire autant de l'orge, de l'épeautre, ni du seigle, les céréales qui ne peuvent sortir de la semence du froment ne composeront jamais un pain susceptible d'être consacré. Un léger mélange ne détruisant pas l'espèce d'une chose, on pourrait, avec un peu de farine étrangère mêlée à celle de froment, faire un pain qui fût encore la matière de l'Eucharistie. Il en serait autrement, si le mélange était par moitié ou à peu près, il changerait l'espèce. On ne consacre pas validement avec une matière dont la corruption est tellement avancée qu'elle détruit l'espèce du pain, par exemple, quand il y a solution de continuité, et que la saveur, la couleur et les autres accidents sont changés. Si elle a seulement une disposition à la corruption, ce qui se reconnaît à la saveur, le ministre qui l'emploie pêche par irrévérence, mais cependant il consacre validement. Fin de la note. 4. Doit-on se servir de pain azyme pour l'Eucharistie? Il est nécessaire à la validité du sacrement que le pain soit de froment, mais non qu'il soit azyme ou fermenté, on peut consacrer l'un et l'autre. L'Église romaine se sert de pains azymes, les églises grecques, de pains fermentés. Il convient qu'à cet égard chacun se conforme à la coutume de son église, ce serait péché que d'en altérer le rite. Cependant, la coutume de consacrer des pains azymes repose sur un meilleur fondement. Jésus-Christ a institué l'Eucharistie le premier jour des azymes, Matthieu 26, 17, où la loi défendait de rien conserver de fermenté dans les maisons des Juifs. Exode 12, 15. 5. Le vin de la vigne est-il la matière propre de l'Eucharistie? Ces paroles, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne », Matthieu 26, 29, sont une preuve que notre Seigneur s'est servi du vin de la vigne dans l'institution de l'Eucharistie. Ce vin est donc seul la matière de ce sacrement. Et, en effet, on appelle proprement vin que le liquide qui s'extrait de la vigne. Les autres liqueurs ne reçoivent ce nom qu'en vertu d'une certaine analogie. Note. De même que la consécration d'un pain complètement corrompu ne serait pas valide, celle du vinaigre de vin ne le serait pas non plus. Si le vin commençait seulement à s'aigrir, la consécration aurait lieu, mais on pécherait en se servant d'une telle matière. Fin de la note. 6. Doit-on mêler de l'eau avec le vin? On croit, non sans fondement, que, suivant la coutume des Juifs, notre Seigneur se servit de vin mêlé d'eau pour instituer le sacrement de l'Eucharistie, et cela nous explique pourquoi il est dit dans les Proverbes, « Buvez le vin que j'ai mélangé pour vous. » Proverbes 9, 5. Comme ce mélange est propre à représenter l'union du peuple avec notre Seigneur, il doit être admis. Le pape Alexandre Ier dit à ce sujet, « On doit offrir dans le calice du Seigneur, non du vin seul ou de l'eau seule, mais du vin mêlé d'eau. » 7. Ce mélange est-il nécessaire à la validité du sacrement ? On mêle de l'eau au vin pour représenter la participation des fidèles à l'Eucharistie, c'est-à-dire leur union avec Jésus-Christ. Cette participation n'étant pas nécessaire à l'essence du sacrement, qui tire son existence de la consécration même de sa matière, le mélange de l'eau ne lui est pas non plus essentiel. 8. Faut-il mêler au vin une grande quantité d'eau? Un abus pernicieux, écrivait le pape Honorius à certains évêques, s'est établi dans vos contrées, c'est celui de mettre plus d'eau que de vin dans le calice, lorsque, suivant la coutume de l'Église universelle, on doit toujours mettre plus de vin que d'eau. L'eau que l'on verse dans le calice doit se changer en vin. Il est plus sûr d'en mettre peu, principalement lorsque le vin est faible. Une quantité assez considérable pour changer le vin en une autre liqueur rendrait le sacrement invalide. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.